Espagne, jolie fille d'Espagne, tu glisses sous mes doigts comme un bateau de bois. Venu du fond des âges, sans mât, sans équipage, mais chargé de refrains, de joies et de chagrins. Guitare, ô ma fidèle, ma jolie demoiselle, tu consoles mon cœur avec tant de douceur. Quand la marivolage me fait perdre courage, tu m'offres le secours d'une chanson d'amour. Aroma fragile, plus tendre que l'argile, tu es de la tribu des musiciens des rues qui font chanter tes cordes comme de grandes orgues, de quoi faire rêver les amants du pavé. Guitare, ô ma guitare, quand il sera trop tard pour courir les chemins comme des bohémiens, ta dernière musique sera comme un cantique quand nous irons.